métaverse qui va arriver dans les prochaines années. Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps. Chaque minute, ce sont 350 000 messages qui sont postés sur Twitter. Ça fait 21 millions par heure. À ce rythme-là, comment est-il possible d'envisager une modération, de s'assurer que face à cette déferlante, aucun de ces messages ne contienne de propos haineux, inappropriés, de fausses informations ou d'images violentes? C'est tout l'enjeu quantitatif de la modération sur les réseaux sociaux, auquel il faut ajouter l'enjeu qualitatif. Qu'est-ce qui doit être modéré, interdit ou supprimé, sans pour autant porter atteinte à la liberté d'expression? Entre modérateurs humains et algorithmes, législation nationale et internationale, le problème atteint un certain degré de raffinement dans la complexité. Réseaux sociaux, les temps modèrent, c'est le programme censuré qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre aux arcanes bien complexes, comme vous allez l'entendre, de la modération des réseaux sociaux, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Leïla Merck. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du projet de recherche du Content Policy and Society Lab à l'université de Stanford en Californie. Et nous sommes en ligne avec Asma Malla. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante à Sciences Po, spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques du numérique. Et j'ai d'ores et déjà à mes côtés notre doctorante Julie Charpenet. Bonjour. Bonjour. On vous entendra tout à l'heure vers 16h30 nous présenter vos travaux de recherche. Mais on commence par celle qui a dû fermer 17 de ses 25 comptes Twitter pour des raisons que je ne dévoilerai pas. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue hier dans la revue Nature Communication et la découverte d'un nouveau fossile des hommes de Denisova au Laos. Et des fossiles de Denisoviens, on en a très peu, moins d'une dizaine, donc en soi c'est une découverte importante. C'est une espèce que l'on a découvert récemment, en 2010, grâce à la génétique. C'est grâce aux analyses d'ADN, hein, d'un petit bout de phalange et de quelques dents, dans la grotte de Denisova, en Sibérie, que l'on a identifié cette nouvelle espèce humaine. Puis on a découvert, toujours dans le nord de l'Asie, une mandibule au Tibet. En 2018, des chercheurs français ont fouillé une grotte dans le sud du Laos. Dans les sédiments, ils ont découvert une dent. Une dent qui n'appartenait pas à Homo erectus, qu'on s'attendait à trouver dans la région, ni à Homo sapiens, et qui se rapprochait des néandertaliens, mais il y avait des différences assez marquées. On sait aujourd'hui qu'il s'agit d'une molaire, vieille de 130 à 160 000 ans, d'une petite fille denisovienne. Cette dent vient confirmer que cette espèce occupait un vaste territoire dans tout l'Asie, jusque dans les forêts tropicales de l'Asie du Sud-Est. Clément Zanoli est paléanthropologue, chercheur CNRS à l'Université de Bordeaux, et le co-signataire de cette étude. Et puis nous avons aussi fait des analyses protéomiques pour extraire des protéines de cette dent humaine et ça nous a confirmé que c'était bien une dent qui appartient au genre humain. Et puis on a eu l'information comme quoi c'était une dent qui appartenait à un individu de sexe féminin. Le problème, c'était qu'on n'avait pas de référence particulière pour les Denisoviens. Et eh bien, coup de chance, quelques mois après cette découverte au Laos, eh bien, est sorti un article dans Nature qui présentait une mandibule, un fragment de mandibule avec deux molaires, très bien préservé du Tibet. Le spécimen s'appelle Chae. C'est ce spécimen qui nous a permis de comprendre que c'était un Denisovien, notre dent était un Denisovien, puisque le spécimen a été attribué à un Denisovien sur la base des protéines, et était comparable avec la dent qu'on a trouvée au Laos. La paléogénétique nous a montré que les populations d'Asie du Sud-Est ont un certain pourcentage de gènes denisoviens en elles, et plus fort chez ces populations-là en Asie du Sud-Est que dans le reste du monde. Donc les généticiens ont suspecté que les ancêtres de ces populations ont pu s'hybrider avec les denisoviens quelque part dans l'Asie du Sud-Est, alors que ce soit sur le continent ou dans les îles. Et finalement, cette dent vient donner un peu de soutien à cette hypothèse en montrant que les Denisoviens étaient bien présents en Asie du Sud-Est il y a pas loin de 130 000 ans. il y a encore beaucoup de choses qui nous échappent. On a leur génome, mais finalement, sur leurs habitudes, leurs comportements, on connaît très peu de choses. Donc, on se doute qu'ils étaient assez similaires aux Néandertaliens, très probablement. Mais bon, comme ils vivaient en Asie, ils devaient aussi avoir leurs propres particularités, des adaptations peut-être aussi un peu différentes. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils vivaient à haute altitude, dans les montagnes, et aussi à haute latitude, dans le froid. Et puis maintenant, avec cette dent découverte au Laos, on sait qu'ils étaient aussi capables de vivre dans les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. Donc, ça implique des grandes capacités d'adaptation à des milieux et à des climats très variés. Donc voilà, donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et nous espérons retourner au Laos en fin d'année ou début d'année prochaine avec mes collègues pour essayer d'en trouver plus. Voilà, et pour tout savoir sur cette première dent de Denis Ovien, vous pouvez retrouver, comme chaque jour, l'étude de Nature Communication sur notre fil Twitter, @laméthodefc, ainsi que sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. En France, un nombre record de réacteurs nucléaires sont à l'arrêt. Oui, depuis fin avril, 29 réacteurs sur 56 sont en pause. C'est plus de la moitié du parc nucléaire français et la chute du niveau de production en énergie est également historique. Alors, il s'agit pour la plupart d'arrêts prévus pour des travaux de maintenance et de remise à niveau, mais à cela s'ajoutent des mises à l'arrêt par mesure de précaution suite à un problème de corrosion sous contrainte, c'est-à-dire de petites fissures au niveau de soudure des coudes des tuyauteries d'injection de sécurité pour refroidir le réacteur en cas d'accident. Ce phénomène de corrosion touche 12 centrales. L'autorité de sûreté nucléaire poursuit ses expertises. Selon une étude publiée dans la revue Icarus, nous avons peut-être découvert un astéroïde produit par une supernova. La pierre d'Hypatie intrigue les chercheurs depuis sa découverte dans le désert égyptien en 1996. Cette météorite de 30 grammes ne ressemble à aucune autre. Elle est anormalement riche en micro-diamants. Une équipe sud-africaine a fait des analyses par spectroscopie et a découvert qu'elle est composée de poussière interstellaire. Sa composition chimique porte la signature des processus de nucléosynthèse qui l'a produit. Cette météorite se serait formée à la suite d'une supernova, de type 1A, une explosion stellaire rare. Si cette découverte est confirmée, la pierre d'Hypatie serait la première preuve tangible sur Terre de ces supernovae. Et enfin, une étude publiée dans la revue ACS Photonics décrit un nouveau type de cellules photovoltaïques qui fonctionnent même de nuit. Et les cellules photovoltaïques traditionnelles absorbent les photons du soleil pour les convertir en électricité. Ici, c'est l'inverse. Il s'agit de renvoyer la chaleur vers le ciel pour générer de l'énergie. Cette équipe australienne s'est appuyée sur la technologie des diodes thermoradiatives qu'on utilise dans les lunettes de vision nocturne. Les chercheurs ont utilisé ce processus thermoradiatif pour créer des capteurs photovoltaïques qui, une fois chauffés à 20 degrés, ont généré 2,26 milliwatts d'électricité par mètre carré. Alors, c'est très peu, mais c'est une preuve de concept. Et selon les auteurs, à terme, ce procédé pourrait produire environ un dixième de la puissance d'une cellule solaire. Et merci beaucoup, Natacha. À demain pour le prochain Journal des Sciences. Le 25 avril dernier, Elon Musk, aujourd'hui homme le plus riche du monde et patron de SpaceX et Tesla, annonçait son intention de racheter le réseau social Twitter pour la modique somme de 44 milliards de dollars. Pourquoi donc vouloir débourser autant d'argent pour un réseau social qui ne génère un chiffre d'affaires que, avec beaucoup de guillemets évidemment, de 5 milliards pour le rendre plus rentable, certes, mais surtout au nom de la liberté d'expression. Pour le milliardaire, les règles de Twitter, que l'on pourrait juger de ce côté-ci de l'Atlantique plutôt lâches, sont au contraire pour lui trop strictes. Son intention est de rendre la liberté d'expression sur le réseau social complète, y compris pour exprimer des opinions qui sont ici en Europe condamnées par la loi. Comment modérer les réseaux sociaux? Qui pour les modérer? Êtres humains ou algorithmes? Doivent-ils ou non être filtrés? Que disent les lois et comment les géants d'Internet s'y conforment-ils ou non? Un problème qui, comme vous allez l'entendre, s'apparente à la quadrature du cercle. Pourtant, eh bien, dès le début d'Internet, de la nature même de ce réseau de communication décentralisé, la question de ce qui peut s'y dire ou non se posait, comme en atteste notre archive du jour. Nous sommes en 1993. Sur Internet, donc, code de conduite implicite d'une part, et d'autre part, code d'écriture qui permet de resituer plus précisément les émotions de chacun. Josiane Jouette. Il existe effectivement des codes de bonne conduite sur Internet, comme ils existaient d'ailleurs sur le réseau télématique français. Et sur Internet, ça s'appelle la netiquette, contraction de net et du terme étiquette. C'est finalement tout ce que vous êtes censé faire. et éviter de faire quand vous naviguez sur un réseau. Il faut savoir se présenter. Il y a des codes de bienséance minimaux à respecter. D'ailleurs, si vous ne les respectez pas, eh bien, plus personne, bien sûr, ne répondra à vos messages. Vous serez éjecté. La même chose se passait effectivement sur les forums du Minitel français. Voilà, la netiquette ou net étiquette, ça paraît délicieusement désuet aujourd'hui. Mais ça pose finalement, dès le départ, les enjeux de base de ce nouvel outil de communication qui était Internet, que commençait à être Internet, produisait sur la façon de communiquer, sur la liberté d'expression, Leila Merk. Ce qui est assez intéressant, et je pense que la position de Elon Musk en ce moment révèle bien à quel point il est encore, sur certains aspects en tout cas on peut imaginer, dans cette époque pour lui du début du net ou du début du web, où en fait il s'agissait de lutter contre une certaine forme de conservatisme religieux, et où finalement Internet était une forme d'espace à conquérir pour sortir de vision où il ne fallait être très pudique, où il ne fallait pas parler de sexualité, où il ne fallait pas avoir de violence, juste une image de jeu vidéo hyper pixelisée de quelqu'un dont la tête explosée était complètement inimaginable sur les réseaux sociaux. Et donc on peut imaginer que lui, il est encore dans cet espace-là, dans sa tête, avec une forme de splinternet en fait, où il se dit mais il faut qu'on retrouve cette liberté-là, le web est censé être vraiment cet espace où on a de la place, où on peut s'exprimer librement. Or entre-temps, il y a eu une histoire de l'internet, il y a eu une histoire et il y a eu aussi une révélation au grand public de ce que la massification sur les réseaux sociaux peut amener de haine, peut amener de danger, peut amener. Et donc en fait, c'est assez intéressant de faire ce retour-là en arrière pour voir comment peut-être les fondateurs de Twitter avaient la même vision qu'Elon Musk et puis un jour, ils se sont pris le mur de la réalité. Et donc cette mythologie-là est intéressante à décortiquer. Oui, et ce qui est intéressant et ce qu'on entend aussi dans cette archive Asma Amala, c'est que avec le web, effectivement, hein, 93, c'est l'apparition, les débuts du WWW, on était bien face à une transformation complète de la façon de s'exprimer, en tout cas de la façon dont on pouvait délivrer son information par rapport aux médias traditionnels. On était face à un réseau ouvert, décentralisé, sur lequel le contrôle était très difficile, et donc se poser immédiatement la question de qu'est-ce qu'on peut y dire, est-ce qu'on doit tout y dire, est-ce que ça doit être un espace totalement de libéralisme informationnel, ou est-ce qu'il faut là aussi appliquer des règles un peu de l'ancien monde. En fait, aux initiales ou au début de l'utopie d'Internet, évidemment, il y avait cette idée, mais très fausse en réalité, d'un espace ouvert et égalitaire, avec les prémices d'ailleurs de l'économie de la connaissance, c'est-à-dire un accès absolument libre et gratuit à la connaissance pour tous et toutes. Et donc c'était un peu l'idée, en fait, ce que vous dites très justement, c'est d'horizontaliser la parole de tous. Donc un outil de démocratie directe qui, en fait, aurait dû repenser l'exercice même démocratique et même de ce qu'est la parole publique. En réalité, ce qu'on a vu apparaître, et je ne suis pas tellement en phase pour surpsychologiser Musk en disant qu'il a certes une vision utopique, mais pas tellement bloquée du tout dans les années 60-70, c'est-à-dire aux prémices de ce qu'était Internet, le protocole en tout cas en lui-même. Je pense qu'au contraire, c'est un anarchiste de droite qui peut, d'un point de vue sociétal, pencher vers l'alt-right américaine, parfois sur certains combats, et qui a une vision en fait très en ligne avec l'acception américaine de la liberté d'expression, premier amendement de la Constitution, une acception de la liberté d'expression maximaliste et sacralisée par la Constitution elle-même d'ailleurs, et renforcée derrière par la section 230, c'est un texte qui, en fait, déresponsabilise le rôle des plateformes quant à leur responsabilité de modération et qui leur donne le statut d'hébergeur et non pas d'éditeur. On y reviendra peut-être. Oui, on vient. Donc, par rapport à l'horizontalisation, pardon, de la parole, oui, il y a eu un enjeu qui a été raté et qui a été d'autant plus raté qu'au tournant des années 2000, le web s'est reverticalisé et on a vu les big tech, les fameuses GAFAM, qui ont finalement remis du capitalisme prédateur, captif, capitalisme de surveillance, etc., et qui finalement a monétisé ce qui aurait dû être libre et gratuit. Et par ailleurs, et je terminerai là-dessus, je parlais bien d'utopie parce que ça n'a été que ça, une utopie. La littératie numérique initiale, qui aurait dû justement donner à tous les moyens d'accès et de compréhension de ces codes-là, n'a jamais eu lieu. Et en fait, on s'aperçoit, et ça ce sont les travaux de la sociologue américaine Jen Chrady, qui montrent très bien qu'en réalité, les inégalités, ceux qui ont d'emblée compris les codes, étaient de toute façon les hommes blancs, lettrés, éduqués, etc. Et donc on avait une reproduction de ces inégalités, pratiquement de façon native. Je vais poser la question de manière très naïve, parce que je pense que finalement c'est ce que j'essayais de montrer, ou en tout cas de montrer un peu l'ampleur des enjeux de la modération aujourd'hui, non plus de l'internet ou du web, mais des réseaux sociaux, c'est-à-dire d'une partie de cet internet et de ces plateformes d'expression collective. Quand on voit bien les différences de législation, comme vient de l'évoquer Asma Malla, la différence de conception de ce qu'est la liberté d'expression d'un pays à l'autre, on parle des États-Unis, on pourrait parler de la Russie ou de la Chine, quand on voit la quantité de contenu qui est posté au jour le jour, est-ce que l'idée, l'objectif d'une modération aujourd'hui fait sens intellectuellement? Est-ce que c'est pas trop de contraintes pour pouvoir vraiment imaginer un jour que ces espaces-là soient modérés au sens où nous le comprenons ici aujourd'hui depuis ce studio en France avec notre conception politique, sociologique et anthropologique? Déjà, je pense que lorsqu'on imagine la modération, personne n'imagine une modération où il n'y aurait aucun raté. C'est totalement impossible. Parce que tout simplement, elle s'adapte à un espèce de contenu qui est toujours plus conséquent. Et puis après, on a la question des bots qui ont arrivé, la question des IA qui publient. On a vu ça au moment du scandale Cambridge Analytica, des messages qui étaient envoyés à hauteur de 90 000 fois de manière personnalisée. Donc, il y a cet aspect-là où il veut dire, il ne faut pas se faire d'illusions. Maintenant, est-ce que c'est une raison pour baisser les bras et dire, bon, bah, de toute façon, quitte à être, on va dire, dans la mouise, autant y aller à fond? On n'est pas trop sûr non plus, parce que les premières victimes, bah, finalement, ça sera les gens qui n'auront pas les moyens de s'équiper, qui n'auront pas le moyen de lutter pour ça. Et encore une fois, et c'est toute la vision peut-être de liberté d'expression à l'américaine, et encore celle-ci est de plus en plus divisée, ou à l'européenne, c'est comment est-ce que celle-ci peut être distribuée, partagée, ou est-ce que c'est la loi du plus fort, comme ce qu'on peut voir aux États-Unis. Et encore une fois, cette histoire de premier amendement est très, disons, elle est assez marrante, parce que le premier amendement, en fait, normalement, ne concerne pas directement les plateformes. Le premier amendement, normalement, c'était pour, s'applique au gouvernement, s'applique à l'État, s'applique à ces positions-là. Les plateformes, elles, comme disait très bien Sana, sont régies par la section 230. La section 230 leur donne la possibilité, ou non, de modérer. Donc, en fait, le premier amendement ne concerne pas, en premier lieu, les entreprises privées. Et donc, finalement, pendant longtemps, beaucoup disaient, allons, la section 230, ça permet aux grandes plateformes de faire ce qu'elles veulent, atteinte à la liberté d'expression, ce à quoi les démocrates répondaient, attention, premier amendement, c'est pour les organismes publics, ça ne concerne pas les entreprises privées. Maintenant qu'Elon Musk est arrivé et dit lui-même, je fais ce que je veux sur ma plateforme, beaucoup disent, attention, il faut modérer. Non, les entreprises privées font ce qu'elles veulent en leur demeure. Mais le premier amendement, à l'origine, c'est vraiment pour la partie gouvernement, et on voit qu'aujourd'hui, on a un overlap entre le public et le privé. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 4h15, nous parlons donc de la modération sur les réseaux sociaux tout au long de cette heure en compagnie de Leïla Merk et de Asma Malla. Peut-être est-ce qu'on peut commencer, Asma Malla, par expliquer aujourd'hui comment sont modérés les réseaux sociaux concrètement, comment ça marche. On va se fonder sur Twitter, Facebook et Instagram principalement, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'est modéré? Oui, alors en fait, vous avez deux grands volets ou deux grandes façons de le faire. D'abord, c'est les modérations humaines. Donc, c'est vraiment des individus comme vous et moi qui sont souvent d'ailleurs dans des contrées lointaines, Philippines, Afrique du Nord, Caucase, qui sont absolument sous-payés dans des conditions délétères, avec d'ailleurs des traumatismes psychologiques très profonds, souvent très mal accompagnés d'ailleurs par les plateformes, et qui vont vraiment modérer en direct, avec des heures de travail et des jours ouvrés, les contenus, la quantité phénoménale de contenus et d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc ça, ce sont les modérateurs humains, sous-payés dans des conditions donc, que j'évoquais. Là, on est extrêmement en dessous de ce qui pourrait être une ambition minimale de modération. Un réseau social comme Twitter, 300 millions d'utilisateurs actifs, il a 2000 modérateurs dans le monde. Facebook, c'est à peu près dans les mêmes proportions. Donc on est vraiment sur de la sous-modération humaine. Et puis le deuxième grand volet de la modération, c'est ce qu'on commence à voir apparaître, c'est l'automatisation avec des débuts finalement d'algorithmes d'intelligence artificielle, alors pas très sophistiqués, mais qui essayent d'encoder, d'encapsuler un maximum d'informations de ce qui pourrait être modéré, c'est-à-dire censuré ou invisibilisé ou pas. Et typiquement, et votre question est particulièrement d'actualité et intéressante, parce qu'on a vu les failles ce week-end même suite aux tueries de Buffalo, où en réalité, certes, le live stream a été sur Twitch a été coupé dès la deuxième minute, donc assez vite par rapport à Church, où en fait c'est là où tout le débat avait réellement commencé et qu'il n'avait été coupé qu'au bout de 17 minutes. Donc là, il y avait une réelle amélioration. En revanche, les extraits de vidéos ont continué à circuler pendant plus de 48 heures durant le week-end. Donc c'est posé la question, malgré tous les outils d'automatisation, les plateformes existantes, le travail de signalement, y compris en France sur Pharos, qui est la plateforme de signalement, on n'a pas réussi à endiguer ce type de viralité ou de contenu extrêmement viraux. Et qui, en fait, qui sont d'abord relayés par les communautés suprémacistes, et puis ensuite, qui font par capillarité et boule de neige, bah, qui sont récupérés par les différents bords politiques pour décrier, pour dénoncer, etc. Peu importe, pourvu que finalement on parle du contenu. Et donc, typiquement, l'exemple de ce week-end de Buffalo est un échec fondamental de ce qu'est ou de ce qu'aurait dû être la modération, qu'elle soit humaine. Et en l'occurrence, c'était un dimanche, donc on peut supposer que les équipes étaient en sous-effectif, donc problème organisationnel. Et puis derrière, l'automatisation qui, visiblement, concrètement, a été totalement faillible, ou en tout cas n'a pas réussi. Et plus largement sur la question de la modération ou de la faisabilité même de la modération, eh bien en fait, c'est là le principal problème. C'est-à-dire, ou plus exactement, vous en avez deux, à mon sens. Le premier, c'est qui est très terre-à-terre, c'est la question très opérationnelle. Est-ce qu'on est aujourd'hui en mesure d'industrialiser des moyens, d'une part de modération, mais surtout du contrôle de la modération? Typiquement, dans le Digital Service Act, le DSA, dont on parlera sûrement, on prévoit des instances de contrôle avec le régulateur, avec la justice. On voit aujourd'hui l'état de la justice. On voit qu'aujourd'hui, l'ARCOM, le régulateur français, ils sont 350 collaborateurs. Donc se pose réellement la question des moyens financiers, compétences, techniques, technologiques. Et en réalité, la question ou la réponse aujourd'hui est très claire. Nous n'avons pas les moyens d'industrialiser une modération qui soit en mesure de faire face à la volumétrie absolument extraordinaire de contenu et d'informations qui circulent. Ça, c'est le premier niveau de réponse. Et le deuxième niveau, qui est beaucoup plus philosophique, c'est de dire, dès l'instant où on bute sur une voie sans issue qu'est la modération aujourd'hui, plutôt que de s'entêter, comment contourner la difficulté. Et à mon sens, il faut remonter la chaîne de valeur. La modération, en réalité, c'est quand c'est déjà trop tard. Ouais. Donc il va falloir repenser la question de l'éducation, la question du régulateur, le rôle de l'État, la responsabilité des plateformes, leur modèle économique, etc., etc. Et ce sont là, en réalité, les véritables questions qui, d'ailleurs, et par parenthèse, vont s'amplifier avec le métaverse qui va arriver dans les prochaines années. Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps d'aborder toutes ces questions-là dans les 40 minutes qui restent de l'émission, mais on voit bien, en tout cas, ce qui est important, Leïla Meur, ce que pointe à ce moment-là, c'est que effectivement, c'est finalement ce à quoi on revenait au début, c'est-à-dire que c'est quelque chose de titanesque, que finalement la modération s'est écrêtée vraiment à la marge des comportements abusifs, et dont on voit aussi que même en tentant d'écréter à la marge ces comportements abusifs-là, eh bien l'intelligence artificielle, comme on va l'entendre dans pas longtemps, se trompe et finit par cibler les mauvais messages. Donc finalement, qu'est-ce qui reste de l'intention de cette modération qui a tout de même pour ambition de protéger les utilisatrices et les utilisateurs de messages haineux, de caractères qui peuvent leur nuire dans les conditions qu'on entend et qui sont par ailleurs humainement, comme on vient de l'entendre, particulièrement scandaleuses pour ce qui est de la modération humaine. C'est complètement. Je pense que lorsqu'il s'agit de la modération, il s'agit de n'être ni trop pessimiste, ni trop optimiste. Quand on voit la façon dont le droit s'est construit dans la vie réelle, ça a mis des années et des années à pouvoir adresser toutes les situations de violence dans la rue. Aujourd'hui, on voudrait que pour des plateformes qui ont moins de 20 ans, on trouve en 6 mois la solution. C'est pour dire qu'il y a une question de moyens déjà à mettre en avant, et les plateformes ne mettent pas les moyens, mais aussi des questions... C'est pas qu'elles n'ont pas les moyens par ailleurs. Ah, c'est pas qu'elles n'ont pas les moyens, elles ne les mettent pas, mais aussi des questions de méthode. Et donc effectivement, à vouloir dire d'un coup, oui, mais la modération AI, elle ne convient pas parce qu'elle a des biais, parce qu'elle n'est pas explicable. Oui, mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'on sacrifie donc en fait finalement des personnes humaines? Parce que je vous invite tous à lire 3 témoignages maximum de ce qu'ils voient. Honnêtement, on peut pas demander de plus d'effectifs humains que ça, quasiment, parce que c'est trop dur en fait à voir. Il faut préciser par ailleurs qu'il y a 2 ans, Facebook a été condamné à verser 52 millions de dollars à des milliers de modérateurs pour compensation des traumatismes liés à leur travail, puisque ce sont des gens qui sont confrontés à longueur de journée à des contenus haineux, à des vidéos de meurtres, et donc c'est des gens qui vivent et qui témoignent de traumatismes profonds liés à ce métier qui est par ailleurs exercé dans les conditions que décrivait tout à l'heure à ce moment-là. Complètement, on est en lien avec beaucoup de modérateurs, notamment avec Chris Gray qui fait partie un peu des leaders de ces modérateurs-là, et enfin, je veux dire, ce type-là de condamnation devrait arriver encore plus souvent, mais encore une fois, c'est un manque de moyens, 2 un manque de méthode, et donc en fait, lorsqu'on sépare ces questions-là de modération, on se demande finalement à qui revient l'obligation. Est-ce que la plateforme doit décider de tout tout le temps qui modère quoi? Est-ce que c'est elle qui doit les payer? Est-ce qu'il y a un moment une sorte de conseil extérieur qui peut être monté? C'est pour ça que nous, au Lab, on essaye vraiment d'avoir une méthode globale qui permette d'avoir ce qu'on appelle la multi-stakeholder approach, la méthode multipartite, où on essaye de travailler avec des associations, avec des experts, avec des politiques et avec des modérateurs pour ne pas laisser de trous dans la raquette. Et donc, quand on voit ce qui se passe au niveau des tueries de Buffalo, mais aussi sur la modération, par exemple, en langue non anglophone, c'est un drame absolu. Regardez la modération dans les pays en Afrique. C'est juste hallucinant, en fait. Il n'y a quasiment aucune modération. Et en fait, sur ces questions-là, on ne pourra avoir que des réponses peut-être que technologiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir des humains derrière en termes de... Mais quand on regarde sur Facebook, 90% des contenus sont finalement retirés par des IA. Ça monte jusqu'à 95% dans les cas de contenu. Et donc, finalement, pour moi, le véritable enjeu d'investissement là-dedans, c'est d'investir dans des meilleures technologies qui vont petit à petit progresser, qui vont petit à petit prendre en compte le contexte, si elles travaillent avec des associations, si elles travaillent avec des mises en contexte, si elles travaillent à ne pas être simplement faites par des techniciens dans un laboratoire au fond de la Silicon Valley avec des hommes qui ont 50 ans. Et pour finir, bien 50 sûr. Ans, même beaucoup moins. Pourquoi pas. 25 ans. Désormais des femmes aussi parfois aussi. Voilà, par ailleurs. Mais pour finir sur ce sujet-là, donc ça va être rendre ces IA beaucoup plus performantes, et ça on va y arriver parce que la technologie progresse à une vitesse extraordinaire, mais on va y arriver si honnêtement on va sur le terrain, si honnêtement on fait de la contextualisation. La deuxième chose, c'est que ces IA doivent être efficaces mais explicables. Et ça, c'est vraiment le deuxième aspect de la modération qui est très peu entendu, et le DSA ne sanctuarise pas ça du tout. C'est que même s'ils recommandent aux plateformes de justifier leurs décisions de modération, les plateformes sont tenues responsables et peuvent avoir une amende si elles ne retirent pas des contenus. Elles ne peuvent pas avoir une amende si elles retirent trop de contenus. Et donc, en fait, c'est vraiment cette partie explicabilité qui va être essentielle. Alors, je précise que tout à l'heure, dans quelques minutes, dans la deuxième partie de cette émission, on va revenir sur ce qu'évoquait Asma Malla tout à l'heure, c'est-à-dire le DSA, une directive européenne. On va essayer de poser des questions juridiques et évidemment des questions éthiques, parce que se surajoute à toute cette problématique qui est déjà particulièrement complexe, évidemment, des enjeux éthiques extrêmement importants. Mais à propos justement de ce que vous évoquiez, c'est-à-dire des limites des algorithmes et de l'intérêt à travailler notamment avec des acteurs associatifs, ça tombe bien puisque c'est exactement ce dont on voulait vous parler dans notre reportage du jour. Vous avez peut-être, vous qui nous écoutez, déjà été surprise ou surpris par des messages automatiques de modération de vos posts, alors que vous pensiez pas à mal et que vous aviez pas l'impression d'avoir écrit quelque chose d'horrible, notamment en envoyant des messages à l'intention de votre communauté avec un certain vocabulaire qui est mal compris par l'algorithme comme étant une insulte. Bonjour Alexandra Delbo. Bonjour Nicolas. Ce sort que je viens de décrire, c'est ce qui arrive bien trop souvent, notamment à des militants ou à des militantes associatives. Exactement, et notamment à des militants et militantes LGBT. J'ai rencontré Thibaut Grison, doctorant au SKY, le centre de recherche de la Sorbonne sur l'IA, et au laboratoire Gripic, le centre de recherche en sciences de l'information et de la communication du CELSA. Et pour étudier comment les algorithmes peuvent censurer certaines publications de militants et militantes LGBT sur Twitter, il utilise deux approches. Une première consiste en une collecte de témoignages et recueil d'expériences dont les militants et militantes disent être les victimes. Et la seconde est une récolte de données nommée reverse engineering. Avec son algorithme, il récolte régulièrement les données de profil ou de tweet avec certains mots-clés, et dès qu'il aperçoit qu'un compte est bloqué ou un tweet a disparu, il essaye de remonter au contenu modéré et à l'analyser et déterminer s'il s'agit d'une modération abusive ou non. Dans le contexte de la modération des réseaux sociaux, des personnes en fait qui, depuis ces 5 dernières années, se sont rendues compte que leur contenu semblait être supprimé plus facilement que d'autres. Et ce type de censure-là semblait beaucoup toucher, en tout cas, les personnes qui étaient déjà victimes de haine en ligne, des militants antiracistes, LGBT, féministes, etc. Le deuxième contexte, c'est plus au niveau de la recherche, on va dire, d'un point de vue vraiment épistémologique. Depuis ces 15 dernières années, en tout cas aux États-Unis, il y a beaucoup de travaux qui ont émergé, notamment dans les cultural studies, dans le contexte anglo-saxon, où en fait on a commencé à prendre les outils comme l'intelligence artificielle ou plus largement tout ce qui relève de l'informatique, du numérique, comme des technologies qui pouvaient reproduire en fait des discriminations. Et c'est en fait de là qu'émerge le sujet des discriminations algorithmiques, qui est encore très peu abordé dans la recherche francophone. Donc cette discrimination algorithmique, elle vient de biais dans la conception des algorithmes. Est-ce que ça provient du jeu de données initial, ou alors est-ce que c'est simplement une transposition des des biais cognitifs sous-entendus déjà discriminants qui existent par les humains? Alors, en fait, il y a tout un ensemble de causes possibles aux discriminations algorithmiques dues à tout un ensemble de biais algorithmiques qui existent déjà. C'est comme si, en gros, vous aviez... Enfin, la conséquence, c'était la discrimination algorithmique. La cause, c'est le biais algorithmique. Et du coup, effectivement, le biais algorithmique peut être de plusieurs types, soit parce que le jeu de données en lui-même est biaisé. Est-ce que c'est parce qu'on se base sur un corpus de données, un jeu de données qui existe déjà, un corpus historique qui, du coup, est déjà lui-même biaisé? Est-ce qu'on a créé un jeu de données artificiel sans pour autant penser aux biais qu'il pouvait constituer, parce qu'on a du coup oublié de représenter telle ou telle catégorie de la population? Il y a aussi un biais algorithmique possible dans les équipes de designers en soi. Qui sont ces personnes-là? Il y a des travaux, par exemple, qui montrent que ce sont majoritairement des hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels. Bref, il y a tout un ensemble, je pourrais continuer encore à parler de ça, il y a tout un ensemble de biais qui existent et qui, du coup, permettent de formuler différentes hypothèses quand on a un cas de discrimination algorithmique. Et comment étudier les discriminations dans la modération? Comment est-ce qu'on peut mesurer ces effets? Il y a deux approches. La première, ça va être d'abord de faire toute une concaténation de ces discriminations-là, donc de ces formes de censure. Comment ces formes de censure se matérialisent sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est du déréférencement de contenu? Est-ce que c'est de la suppression de contenu? Est-ce que c'est de la suspension de compte? Une fois que cette parole militante-là est recueillie, ce que je fais, c'est que moi, j'essaie de faire de ce qu'on appelle de la reverse engineering, où en fait, j'essaie de voir comment fonctionnent ces algorithmes-là. Donc là, je récolte des données qui seront même potentiellement susceptibles d'être censurés plus tard. Je les récolte à l'instant T, au moment où ils sont publiés, je les récolte. Et on va dire deux jours après ou 24 heures après, j'essaie de faire différentes hypothèses de temporalité. Je repasse dessus avec mes lignes de code pour voir dans quelle mesure ils ont été modérés ou pas. Du coup, j'ai ces lignes de code qui ont été développées avec l'ingénieur en informatique Félix Allier, qui sont au nombre, je sais pas, il y a 200 lignes de code d'un programme informatique juste pour qu'on puisse collecter, en gros, des mots-clés, notamment des mots-clés comme gay, PD, Gwyn, etc., pour voir, en gros, qu'est-ce qui est modéré. Et moi, j'ai juste à entrer, et boum. Et j'ai en résultat de nouvelles lignes qui apparaissent, des lignes de résultats, où on me dit pour chaque utilisateur, monsieur Tartampion, 2 points, compte supprimé, 2 points, compte modéré, etc. Et du coup, là, j'ai ce tableau qui apparaît, j'ai un fichier qui s'enregistre automatiquement sur mon ordinateur avec ce tableau-là. Et du coup, j'ai un peu deux collectes. J'ai 7 collectes par profil, par statut de profil, et j'ai une autre collecte qui est en fait la plus importante dans mon travail, qui est une collecte par tweet qui aurait été modéré, où là, c'est une collecte du coup où je fais une recherche par mots-clés, comme je disais, avec les mots-clés gay, PD, Gwyn, etc. Tout un ensemble de mots-clés qui renvoient à la culture LGBT, soit parce que ce sont des insultes qui font l'objet de réappropriation militante, comme c'est le cas de PD, soit parce que c'est des comptes, des mots-clés neutres qui renvoient à l'orientation sexuelle. Et je regarde sur ce tableau qu'on voit là, je regarde en fait les tweets qui ont été supprimés. Et là, par exemple, j'ai un exemple d'un tweet qui dit « Je suis PD ». Après, moi, je retrace le chemin. Donc depuis ce tableau, je retourne sur le compte de l'utilisateur ou de l'utilisatrice et en fait, je vois que c'est un militant LGBT qui en fait tweet ça dans une forme de militantisme en fait. Et du coup, là, il y a un cas de modération que je juge en tout cas abusive et que les militants et militantes jugent abusif. Et en fait, le propre de mon sujet, c'est que c'est un sujet qui est beaucoup traité en informatique, les biais algorithmiques, mais pas d'un point de vue sciences humaines et sociales, parce qu'en fait, les chercheurs et chercheuses en sciences humaines et sociales ne savent pas vraiment comment marche la machine. Sauf qu'en fait, les informaticiens et informaticiennes ne savent pas vraiment comment marche la machine non plus, parce que tout ça est opaque. Et du coup, moi, j'ai à cœur dans ma recherche de faire une sorte de recherche-action, une recherche un peu située, où j'assume en fait un parti pris militant dans la manière dont je me saisis de mon sujet. Et du coup, je cherche à rendre cette recherche, disponible pour ces sphères militantes-là. Et du coup, à ce stade de ma thèse, j'ai un petit peu rationalisé tous les cas de discrimination algorithmique. Mon enjeu maintenant, c'est d'un peu rationaliser mon corpus. Quels termes je vais choisir? Est-ce que du coup, je vais partir sur des mots-clés? Est-ce que je vais partir sur de la recherche par profil? Est-ce que je vais repartir sur des entretiens? Est-ce que je vais faire un peu de tout ça? Parce que je travaille aussi sur les chartes de modération, etc. Donc en gros, maintenant j'ai tout ça. Qu'est-ce que je fais pour, en gros, être le plus convaincant, en fait, dans mon argument et, en même temps, produire des hypothèses sur quels sont ces biais algorithmiques dans le contexte de la modération. Voilà ce reportage sur les discriminations algorithmiques. Asma Mala, votre réaction à l'un de ces problèmes, qui est aussi un problème de taille et de surmodération? Alors oui, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que certes, on peut espérer qu'à un moment donné, les algorithmes, c'est-à-dire l'encodage, les datasets, la façon dont les algorithmes donc, sont éduqués, sont entraînés, puissent s'améliorer avec le temps. Néanmoins, il faut être un tout petit peu réaliste. Aujourd'hui, les résultats sont plus que, disons, discutables ou modestes. Et le problème étant qu'il ne s'agit pas simplement d'un résultat technologique qu'on pourrait juger, évaluer à l'aune d'indicateurs techniques, parce que si ça n'était que ça, il n'y aurait pas tellement de problèmes. Le problème qui est pointé là, c'est qu'en effet, ça crée d'une part de la discrimination, mais en réalité, on retrouve ce sujet de l'algorithmisation et de l'automatisation, y compris dans les questions de l'état plateforme, des services publics, de la reproduction finalement des discriminations d'un certain type de population. En réalité, c'est une reproduction du réel en amplifié. Et c'est exactement les mêmes problèmes qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne créent pas le problème. En réalité, ils le reflètent, ils l'amplifient, ils l'orientent. Et si on appose déjà à ce problème initial un algorithme qui ajoute encore des biais, des filtres et donc des choix, et par là, donc, de la subjectivité, alors on risque d'avoir de grands soucis, d'autant plus que le problème qui s'attache aux réseaux sociaux, c'est donc la question de la liberté d'expression. Et là, le problème devient fondamentalement politique et non plus simplement technique ou technologique. Et donc, ce qui est absolument extraordinairement passionnant dans le sujet, en réalité, c'est que tout ça s'hybride, tout ça est imbriqué, modèle économique, modèle technologique, modèle politique, et les trois s'interpellent en permanence. Et simplement, je voulais rebondir tout à l'heure, rapidement, mais parce que c'est quand même en lien, on peut parler de modération, et c'est tout le sujet de notre émission, mais en réalité, parler de la modération des réseaux sociaux sans pointer le fait que les réseaux sociaux eux-mêmes sont devenus des entreprises politiques et géopolitiques, et on l'a vu à l'aune de la guerre en Ukraine, ça devient aujourd'hui des champs de conflictualité. Les réseaux sociaux sont des armes de guerre, sont militarisés, se jouent de la désinformation, de la cyberdéstabilisation, de l'intoxication informationnelle, et ça a commencé en réalité à partir de 2016, avec les différentes ingérences russes dans les campagnes américaines, le Brexit, la campagne présidentielle de 2017, etc. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que modérer n'est pas à prendre comme étant quelque chose de complètement neutre ou toute chose étant égale par ailleurs. Le réseau social, par sa gouvernance, par la vision de son patron, la vision du monde, ses appétences, ses choix politiques, Zuckerberg et le Vietnam en 2020, Musk et l'Ukraine en 2022, etc., etc., n'est absolument pas neutre. Et donc, modérer suppose aussi de comprendre quel est le modèle politique et quelle est l'idéologie qui est derrière. Ce qu'on visibilise, c'est d'autant de choses qu'on va invisibiliser ensuite. C'est précisément ce dont il va être question. Voilà, c'est exactement ce dont nous allons parler dans quelques minutes dans la deuxième partie de cette émission. Un mot très rapide, une réaction très rapide, Leïla Merk. Non, je souscris complètement à ce que dit Asma Mala, et c'est vraiment l'intérêt énorme de cette affaire de Musk, et qu'il lève le voile sur un problème global, et qu'en fait, qu'il s'appelle Musk ou qu'il s'appelle Jack Dorsey ou qu'il s'appelle Zuckerberg, la vraie question en fait, c'est de se rendre compte que derrière chaque méthode de modération, en fait, il est censé y avoir une vision politique. Et c'est pour ça que nous on s'appelle le content policy et pas content moderation. On travaille sur les politiques de contenu, c'est-à-dire qu'il y a la couche modération, c'est l'outil. Finalement. Il y a la couche régulation, c'est comment est-ce qu'on utilise ces outils, et la couche politique de contenu, c'est finalement quelle est la vision, c'est quoi la liberté d'expression, comment est-ce qu'un jour on plante un drapeau, on dit ok, ça va peut-être faire des pas contents, ça va peut-être faire des contents, mais voici le modèle, et c'est un modèle qu'on va choisir démocratiquement. Aujourd'hui, cette politique, elle est laissée à la main des grandes plateformes. Est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il faut pas, c'est un autre débat, mais quand on voit l'impact sur la société de ces grandes plateformes, cette politique-là ne peut pas être laissée d'une manière arbitraire. Donc, 100% aligné. On va continuer à discuter de la modération. Je vous avais prévenu, c'est évidemment un problème aussi complexe qu'il est passionnant. On va se poser des questions de droit, puisque heureusement, il y a des législations qui peuvent ou non, on va le voir, encadrer ces problèmes de modération de contenu et évidemment les problèmes éthiques qui en découlent. On continue d'en parler dans quelques secondes musicales. L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo. Regarde à toi et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Regarde à toi Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Prends garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous, et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Carmen de Stromae à 16h40, puisque nous parlons donc des réseaux sociaux et des multiples problèmes posés par la question de la modération. Nous en parlons avec Leila Meur, qui est coordinatrice du projet de recherche du Content Policy and Society Lab à l'université de Stanford en Californie, et Asma Mala, qui est enseignante à Sciences Po, spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques du numérique. Mais tout de suite, on passe à la recherche montre en main. Et nous avons le plaisir de recevoir Julie Charpenet, rebonjour. Rebonjour. Vous travaillez sur le pouvoir de modération des réseaux sociaux, contribution à l'étude d'un modèle de régulation des contenus. Vous faites votre thèse depuis septembre 2016 à l'Université Côte d'Azur. Bienvenue à la recherche montre en main, on vous écoute. Un immense merci à vous Nicolas Martin pour cette invitation. Je suis vraiment ravie d'être ici pour vous parler de la modération des réseaux sociaux sous le prisme juridique, un sujet ô combien d'actualité comme vous l'avez d'ores et déjà démontré avec notamment le Digital Services Act. Alors mon travail de thèse consiste à comprendre et décrire les effets juridiques du pouvoir de modération des réseaux sociaux, en particulier sur la liberté d'expression. Le premier effet observé tient à la contractualisation de la liberté d'expression, puisque les plateformes définissent contractuellement ce qui peut être vu, lu, su ou dit sur leurs interfaces. Et en adhérant aux conditions générales d'utilisation, l'utilisateur consent ainsi à se soumettre aux règles de la plateforme et accepte de renoncer, au moins partiellement, à sa liberté d'expression. Un second effet tient à l'automatisation, cette fois dont on a déjà parlé, du contrôle, cette fois-ci, de l'exercice du droit de la modération, du droit à la liberté d'expression, pardonnez-moi, au regard de la croissance exponentielle des flux de contenu sur leur interface, les plateformes n'ont eu d'autre choix de créer des algorithmes capables de filtrer les contenus en fonction des politiques des entreprises et, il faut le préciser, elles ont été fortement encouragées par les pouvoirs publics. Enfin, le pouvoir de modération des réseaux sociaux a pour conséquence une standardisation de la liberté d'expression et plus fondamentalement une standardisation du discours à l'échelle mondiale. En effet, les réseaux sociaux se meuvent dans un environnement transnational et doivent ainsi composer avec des lois nationales différentes, voire en parfaite opposition. Et le choix n'a pas été fait de définir des règles de modération territorialisées au risque de balkaniser l'Internet ou de limiter le partage des idées. Et de l'aveu de la chef de politique mondiale de Facebook, l'application de dizaines de règles différentes dans le monde serait incroyablement plus difficile que d'appliquer un ensemble unique et cohérent. Alors, pour ce faire, les règles du discours sont ainsi définies dans les politiques de contenu insérées dans les conditions générales d'utilisation, qui sont, elles, de portée mondiale. Ce sont en effet les mêmes pour tous les citoyens du monde, quel que soit le droit applicable dans leur pays d'origine. Or, les politiques de modération rappellent aux utilisateurs l'interdiction de la diffusion de contenus illicites, c'est-à-dire des contenus interdits par la loi. Mais si les conditions générales d'utilisation sont les mêmes pour tous, de quelle loi s'agit-il ? Compte tenu du fait que les principaux réseaux sociaux sont américains et que les politiques de contenu sont définies par des juristes largement emprunts de la culture du premier amendement, l'intuition première serait de craindre une américanisation du droit à la liberté d'expression. Le droit états-unien serait alors la loi de référence à l'échelle mondiale. Alors, je me suis employée dans mes recherches à vérifier cette intuition en analysant et comparant les politiques de contenu des principaux réseaux sociaux américains. Et attention spoiler, ce n'est vraiment pas si simple. sans blague. Il apparaît au contraire que pour éviter des condamnations dans les états où la loi est plus restrictive, les réseaux sociaux ont une légère tendance à appliquer les lois les plus contraignantes et à les appliquer à des utilisateurs soumis normalement à des lois bien moins restrictives. Ce faisant, les réseaux sociaux créent leur propre standard de liberté d'expression. Donc la question qui s'est posée était aussi de savoir si ces standards sont propres à chacune des plateformes. Et pour le dire autrement, est-ce que la loi Facebook, entre guillemets, est différente de la loi Twitter, entre guillemets ? Mon travail de comparaison révèle qu'en matière de contenu haineux, par exemple, les politiques de contenu sont similaires entre elles à 78%. Cela confirme l'hypothèse selon laquelle la standardisation de la liberté d'expression dépasserait les frontières territoriales du droit, mais aussi les frontières des plateformes elles-mêmes. Dans le même sens, cette standardisation de la liberté d'expression à l'échelle globale résulte de l'utilisation des filtres algorithmiques, souvent d'ailleurs élaborés en collaboration entre les plateformes, et de ce qu'on appelle la préférence technologique, puisque au regard du coût de développement de ces outils, les ingénieurs les paramètrent selon la politique de l'entreprise et les appliquent de manière uniforme à l'échelle globale. Ainsi, par le cumul des fonctions normatives, par l'édiction des règles de modération et des fonctions répressives, par la détection et la sanction de non-respect de ces règles, les réseaux sociaux s'imposent comme les régulateurs d'une conversation mondiale et ces acteurs privés et économiques, dépourvus de tout mandat démocratique, et c'est peut-être là que le bât blesse essentiellement, est à l'aide d'outils très éloignés des droits fondamentaux, puisque le contrat et les algorithmes, et ils sont devenus les garants de notre liberté d'expression et en définissent les contours. Merci beaucoup Julie Charpenet, il ne reste moins d'un quart d'heure alors qu'il nous faudrait à peu près 2 heures pour discuter de tous ces enjeux absolument passionnants intellectuellement. Plusieurs choses, alors je vais vous demander d'essayer de répondre de manière peut-être assez courte. Alors la première chose, une question assez simple et pourtant avec des implications assez vastes, est-ce que les lois étatiques, je pense notamment en l'occurrence au DSA européen dont il va falloir nous expliquer ce que c'est, est-ce que les États ont encore un levier sur ces entreprises justement pour les forcer à amender, à revoir, à amplifier, à préciser leur politique de modération, Leila Merk. Pour essayer de le faire hyper simplement, hyper schématiquement et donc de manière incomplète, le DSA est une obligation de moyens. Le DSA ne définit pas ce qu'est un contenu illicite. Le DSA pour Digital Services Act. Qui va rentrer en fonction normalement en 2023. Exactement. Alors ça, suivant la taille des plateformes, évidemment, qui sont concernées. Ça va être beaucoup plus rapide pour les très grandes plateformes. Et donc, en fait, c'est une obligation de moyens. Ce qui fait qu'à nul endroit, il n'explique ce qui doit être retiré, la nature de ce qui doit être retiré. C'est vraiment une obligation de moyens. Là où il y a, d'une certaine manière, un trou dans la raquette, parce qu'il y a effectivement une balkanisation, comme il a très bien dit, de qu'est-ce qui est illicite ou pas. Et donc, finalement, la protection par la loi en France va être extrêmement différente de ce qu'on va pouvoir trouver dans d'autres pays, voire dans d'autres pays qui n'ont aucun caractère démocratique et dont, finalement, les conditions d'utilisation des plateformes, souvent, permettent de protéger une forme de discours. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce DSA, encore une fois, oblige les plateformes à des sanctions si elles ne retirent pas les contenus. Elles n'obligent pas les plateformes à des sanctions si celles-ci retirent trop. Et donc, encore une fois, c'est, on va dire, un échange à sens unique qui pose énormément de problèmes puisque c'est, in fine, toujours la liberté d'expression qui est mise en danger. Par rapport à la question de la standardisation, je souscris complètement à ce qui a été dit. Je définirais peut-être juste un peu plus qu'il y a une forme de standardisation de ce qui est interdit. Est-ce que il n'y a pas de standardisation de ce qui doit être dit ou du moins pas encore. Et ça, c'est assez rassurant. Et donc finalement, essayer de montrer que cette standardisation n'est peut-être pas si mal si elle est faite de manière démocratique et donc pas par les plateformes, voilà, ni par uniquement les gouvernements, parce que ces gouvernements-là peuvent avoir des intérêts, en fait, dans ce choix-là. Et donc, la création d'une sorte de standard sur ce qui vraiment ne doit pas être dit, puis ensuite des choses qui tiennent compte des contextes, serait beaucoup plus sain en termes de régulation. Mais on voit bien tout le problème démocratique qui est posé par ces questions à ce moment-là, de définir ce qui doit être dit ou de ce qui ne doit pas être dit. Tout ça est évidemment extrêmement contextuel, extrêmement variable en fonction de l'endroit d'où l'on se place. Par exemple, on peut se poser la question éthique de savoir s'il est tolérable que le compte d'un président de la République démocratiquement élu en exercice soit fermé autoritairement par une entreprise privée. Et on me posait la colle pour finir. Non mais c'est essentiel. Alors, je vais être extrêmement franche avec vous. Mes convictions personnelles n'ont littéralement cessé d'osciller sur cette question-là. Je n'ai jamais réussi, et je l'admets très modestement, réussi à me faire une conviction absolument totale, finale sur le sujet. Et pourquoi ? On parle de Donald Trump, je le rappelle rapidement pour ceux qui n'auraient pas compris l'allusion. On parle de la fermeture du compte Twitter et Facebook de Donald Trump. Voilà. Alors, donc 2021, appel de Donald Trump à en tout cas un encouragement du climat insurrectionnel qui commençait d'ailleurs par des plateformes de l'alt tech dont on n'a pas du tout parlé parce que une heure c'est très court. Mais en réalité, la question de la désinformation au sens large, du complotisme, etc., ne commence en réalité rarement sur les grandes plateformes. Ça commence toujours sur ce qu'on appelle les micro plateformes de l'alt tech qui ont toujours revendiqué beaucoup très très peu de modération et par capillarité. Ça grossit. Et donc, les QAnon, etc., avaient commencé sur 4chan, sont arrivés sur Twitter encouragés par Trump, et ça a fini par l'invasion du Capitole, d'une part, la déplatformisation in extremis, et une fois que les élections étaient perdues, par Twitter du même Trump. Donc, en fait, quand politiquement, l'affaire était pliée, en gros, et Facebook a suivi. C'est pour ça que je reviens sur la question idéologique, politique et aussi des penchants réellement sur l'échiquier politique de tel ou tel patron. Alors, juste pour remettre les choses dans leur contexte et pour répondre, est-ce qu'on aurait dû, chacun se fait une conviction, il y a des contenus qui sont parfois dans une zone grise où légalement, aux États-Unis, ils n'étaient pas interdits d'un point de vue juridique, mais qui sont dans une forme de décence morale et de responsabilité collective. Et sur ce plan-là, c'est-à-dire quand l'opinion publique a poussé, quand le camp démocrate aussi a poussé et, par ailleurs, un tout petit peu instrumentalisé la chose, qu'on a déplatformisé, et peut-être et probablement à juste titre dans un contexte incandescent. Maintenant, est-ce à dire qu'un leader d'opinion est plus sensible à une déplatformisation ou une censure qu'un autre ? C'est un vaste débat qui mériterait, mon cher ami, une émission à part entière. Oui, c'est ça. Et encore, peut-être même deux. Allez-y, à ce moment-là. Mais il faut absolument que je vous donne mes trois points et je vais être très très synthétique. Je vous en prie. Et donc très simpliste et schématique. Mais il faut quand même que je vous réponde. Et en fait, vos deux questions de cette dernière partie d'émission sont absolument liées. La première chose, c'est la personne qui présentait Julie, je crois, sa thèse, dit quelque chose d'extrêmement juste sur finalement l'hybridation de la philosophie, non pas du droit, mais de la philosophie du droit européen, si on devait vraiment le mettre dans un seul sac, encore que c'est beaucoup plus complexe que ça, et le droit américain. Et ce qui est particulièrement intéressant, moi, c'est sur quoi je travaille et milite, c'est une espèce de co-gouvernance transatlantique, parce qu'il va falloir vraiment que les deux se parlent, mais à condition que les États-Unis aient fixé leur doctrine. Or, en réalité, la démocratie américaine actuellement est à la croisée des chemins. Et si je devais schématiser, vous avez deux grandes écoles qui s'affrontent. L'école Musk, liberté d'expression maximaliste, modération minimale, et l'école Obama, qui, lui, regarde du côté de l'Europe, est plutôt dans le camp démocrate progressiste, et qui pousse à la transparence algorithmique, à la révision de la réforme de la section 230, à davantage de modération à l'européenne. Les deux écoles s'affrontent. Aux États-Unis, aujourd'hui, la religion, finalement, sur la liberté d'expression n'est pas fixée. Ou en tout cas, elle est remise en jeu, et ça va déterminer fondamentalement la suite et du climat politique américain, et donc, par ricochet, l'échiquier géopolitique occidental, en tout cas, et donc, ce qui va se passer pour nous en Europe. Le DSA nous prémunit, et le grand intérêt du DSA, en réalité, au-delà de telle ou telle mesure, ou je ne sais quoi, c'est davantage sa philosophie générale, c'est-à-dire qu'il territorialise des big tech qui étaient jusque-là de nationalité, de droit et d'inspiration américaine. Tout d'un coup, dans le principe et en théorie, il le soumet aux juridictions européennes d'une part, la Commission, et puis surtout aux juridictions nationales. Donc il renvoie vers la loi de 1881, le code pénal, etc. en France. À ce moment-là, je vais vous interrompre parce que j'aimerais poser une question à Julie Charpenet qui me semble absolument essentielle d'aborder. Et encore une fois, je savais que cette émission allait être trop courte pour toutes les choses que nous avions à dire et on en refera évidemment d'autres pour prolonger cette discussion. Mais Julie Charpenet, vous abordez aussi un point que nous n'avons pas encore malheureusement abordé, qui me semble aussi absolument central, c'est finalement cet oubli collectif ou cette impensée, parce que je pense que quand on utilise les réseaux sociaux, on a tendance à se faire aveugler par l'écran de fumée de la liberté d'expression et de « je vois tout ce que les gens postent ». Or, il y a évidemment des algorithmes qui choisissent ce que vous allez voir, donc nous ne sommes pas face simplement à un défilé de contenu, mais face à une proposition éditoriale. Et donc se pose la question, qui est une question centrale dans cette affaire et dans cette problématique de la modération, la différence entre l'hébergeur et l'éditeur. Et c'est, là aussi, c'est central, puisque si on était face à de simples hébergeurs, la question de la modération serait finalement beaucoup plus simple à résoudre. Oui, alors c'est une excellente remarque. Alors on sort peut-être un petit peu du champ de la modération à proprement parler, puisque là il est vraiment question d'un ordonnancement et pas d'une curation. Alors effectivement c'est très clairement cet ordonnancement qui a un petit peu fait exploser la classification entre hébergeur et éditeur. On a très clairement la réponse affirmative que Mark Zuckerberg n'est pas l'éditeur, le rédacteur en chef de Facebook. Néanmoins, la question est tangente et c'est la raison pour laquelle le DSA n'est pas revenu sur cette question, n'a pas précisé véritablement les différentes positions des acteurs et s'est concentré vraiment sur la procédure de la modération et sur les effets de cette mise en avant de contenu. Une dernière question pour conclure, Leila Merk, et peut-être sur les options ou en tout cas les possibilités qui ne sont pas encore appliquées, qui pourraient permettre justement de redéfinir et de ne pas laisser à des opérateurs privés finalement de décider ce qui relève ou non de la liberté d'expression et les utilisateurs dans tout ça. Bah c'est ça en fait, il y a énormément de questions dans cette question-là. La première, c'est ces grandes plateformes-là vont finir par ne plus avoir le choix. Le sujet monte politiquement et plus les gens vont se rendre compte, plus les gens vont devenir acteurs finalement de leurs réseaux sociaux. Ils vont réclamer de la transparence, vont se mettre à signaler de manière plus intelligente. Donc tout ça, c'est des questions d'éducation des enfants, des adultes, des élus, pour que les gens prennent conscience en fait de ce qui se passe. Donc cet établissement finalement de règles doit se faire de manière collective, doit se faire avec des associations qui remontent du terrain, des choses qu'on voit mais depuis des années. Le DSA, tous les textes en fait, on va dire mettre dans la loi des choses sur lesquelles on a des levées de foulard depuis des années et on attend des drames pour le mettre en place. Donc un, soyons plus proactifs. Deux, mettons des moyens. Trois, faisons confiance au terrain. Et ensuite quatre, cessons aussi de penser que la modération va tout résoudre. La modération, c'est très bien, la modération, c'est extrêmement important. Ça ne résoudra pas les comportements humains parce que ce sera une invisibilisation aussi. Ce n'est pas parce qu'on va supprimer le racisme sur Internet qu'on va supprimer le racisme dans la vraie vie. Et finalement, ce qui va compter, ce seront l'impact des réseaux sociaux sur la société. Et donc finalement, in fine, c'est ce qui se passe dans la société. Et encore une fois, moi, j'essaie de dire ça à chaque fois, il faut à éduquer nos populations à l'esprit critique. Il faut éduquer nos populations à la nuance, à la pensée complexe. Parce que c'est quand on ira à la source, finalement, du contenu, là où il naît, c'est-à-dire dans l'esprit de quelqu'un, qu'on va pouvoir faire ça. Et on voit bien qu'on a voulu enlever les théories QAnon des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils sont élus ils sont élus aux États-Unis. Mais ça veut dire faire reposer la modération, finalement, sur les utilisateurs. C'est-à-dire que finalement, on réduit la modération à portion congrue de la part des opérateurs et on dit, finalement, c'est aux utilisateurs de se modérer eux-mêmes. Au contraire. Plus de modération permet de la faire mieux. Plus de règles de modération, plus de moyens, plus de modérateurs permet de la faire mieux. Est-ce que c'est pour autant... En fait, en gros, c'est pas pour autant... C'est pas parce qu'on met plus de police pour protéger la population qu'on doit laisser la population sous une forme de paternalisme. Les gens sont intelligents. Je veux dire, à un moment, si on leur donne les moyens aussi de comprendre ce qui se passe, si on leur donne les moyens de mieux se protéger, on va pouvoir arriver à des formes de modération qui leur conviennent mieux à eux aussi. Donc moi, je suis vraiment pour plus de modération de manière générale, pour qu'elle soit faite dans la dentelle. Ça, c'est la première chose. Mais ensuite, je pense que ce qui va vraiment compter, c'est de recréer du lien social, de faire répondre à cette crise politique et sociale à laquelle on fait face. Et ça, ça va pas pouvoir se compter en milliards, ni en algorithmes, ni en quoi que ce soit. Et c'est ça qu'il faut pas qu'on oublie. C'est une belle vision optimiste et qui engage une transformation sociale bien importante par rapport au point de départ de notre discussion. Vous voyez, c'était une question complexe. On y reviendra bien évidemment parce que comme vous l'avez entendu, nous n'avons pas eu le temps d'aborder tous les points. C'était un sujet auquel nous consacrerons dans le futur, je l'espère, et assez prochainement une nouvelle émission. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci Leila Merk, merci Asma Mala, merci Julie Charpenet d'être venue nous parler de la modération sur les réseaux sociaux. La méthode scientifique, c'est Céline Lozen, Eve Etienne, Amel Boucherka, Antoine Beauchamp, Natacha Triou, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Alexandra Delbo, Adrien Roch à la réalisation et Florent Bujon à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France, sur franceculture.fr, à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.